La société sylvicole du secteur de Mistassini œuvre dans le domaine de l'aménagement de la forêt et le reboisement forestier. Notre société emploie plus d'une centaine de personnes dans la région. La société sylvicole est située au 245 Dequin, secteur Mistassini, au numéro de téléphone 418-276-8080. Elle est très heureuse de souligner le mois de l'arbre et de la forêt. Si votre plus récent bulletin d'information de sport local et régional, ben une activité qui s'est tenue vendredi, samedi à l'école secondaire des Chutes, c'est que les 55 élèves de l'école secondaire des Chutes du secteur de Mistassini ont réussi leur objectif de courir au moins 20 km pour un total de 1400 km dans le cadre d'une activité qui était parrainée par le grand défi Pierre Lavoie. Les jeunes ont eu un peu de misère entre 2h et 7h dans la nuit de vendredi à samedi. Évidemment, la température un peu froide n'a pas aidé, par contre, à motiver les jeunes. Et de plus, les 55 jeunes ont réussi à amasser 5 500. Autre activité de financement, c'est que le comité organisateur de la 64e traversée internationale du lac Saint-Jean ont amassé un peu plus de 126 000. En entrevue ce matin sur les ondes de danradiosport.com, la présidente de la traversée, Kim Privé, était très contente du résultat. Très content. Okay. Très content, on est très satisfait. C'est une très belle réponse du monde des entreprises, des commerces, de la MRC. On est vraiment content du résultat. OK. Est-ce que ça a été plus difficile? Dans un deuxième temps, Kim Privé mentionne et explique le fait qu'il y a un peu moins de 75 000 $ de moins que les autres années. Le fait qu'il n'y a pas de président explique cette baisse. Alors, c'est le comité local de financement qui a redoublé d'ardeur pour aller chercher le plus gros montant possible. Alors, c'est pour ça que c'est moins grand que par les années précédentes. Nous avions fixé un objectif de 105 000 et nous l'avons largement dépassé. Donc, avec un 126 500 $, on a bien senti l'appui des commerçants. Les gens sont derrière nous et plusieurs nouveaux donateurs se sont inscrits dans notre liste et on a même eu des donateurs qui ont haussé leur contribution à cause de cette situation. On est très content. Tu as prêté l'entraînement des élites de Jonquière au cours de la dernière fin de semaine et il y a 69 jeunes qui ont répondu aux invitations qui avaient été envoyées par les élites sur une centaine de lettres. C'était des jeunes de calibre Bantam 3A, également Midget Espoir et du circuit scolaire et également du Bantam 2B. Et il y en a un qui a impressionné la direction, c'est Jérémy Pelchat de Beaumont-Sessny qui a suffisamment impressionné Steve Thériault pour l'inviter au camp d'entraînement au mois d'août. Donc c'est une belle nouvelle pour un joueur de Beaumont-Sessny. Et en terminant au soccer, le Chinook U17 a perdu 4-2 contre la formation de Saint-Léonard hier dans le secteur de Chicoutimi. Le sport local et régional, à danradiosport.com, on s'en occupe.